Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour à tous, à vous toutes. Voilà donc eh bien, le retour de l'émission du mardi après-midi. Voici donc l'émission pendant quelques heures jusqu'à 17h. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée entre 9h jusqu'à midi avec Lionel, avec son émission. Et bien sûr qu'on va le retrouver donc eh bien, mardi prochain et puis ainsi le dimanche matin avec Jérôme, avec le téléphone sonne entre 10h et 12h30. Sans plus tarder, je vous laisse du côté des chansons. Déjà, je vous laisse avec du côté du country, et puis juste après, faire un petit tour avec le folklore. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur.

le brouillard épais, automate dans l'ombre de tes regrets. Tu dessines une tombe, mime l'instant après, derrière un masque sombre, ton visage disparaît. On revient toi, aux frontières de tes rêves, rappelle-toi l'enfant qui voulait toucher le ciel. C'est un brin de folie dans les yeux des petits choristes. Redeviens-toi ce joyeux funambule, le fou qui se manque d'ivoire, qui fait disparaître les vitures. Rappelle-toi les 300 jours, les braises qui se construisent. Redeviens-toi les cicatrices, la solitude du cœur de l'artiste, pour sortir des abysses, in extremis, du colon pédinois, des exilés. C'est le temps des acrobates, de ceux qui jonglent avec des haches, le pouvoir du marionnettiste qui tue au défi le factice. Redeviens-toi ce joyeux funambule, un fou qui se moque du roi, qui fait disparaître des bidules. Rappelle-toi les 300 jours, les rêves qui se construisent. Redeviens-toi ce grand magicien qui nous enrhume. Redeviens-toi aux frontières de tes rêves. Rappelle-toi l'enfant qui voulait toucher le ciel. Redeviens-toi. Arc-en-ciel. Avec Radio Arc-en-Ciel. voici donc le rock'n'roll, et puis suivi de la dance, et puis juste après, ce sera du portugais. Et trouver un éclair

ciel et la mer. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, tu es ma vie. Je monte les marches pour remercier notre bonne mère. Marseille, oh, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, oh, Marseille, que j'aime. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici que c'est mon cap vert, et puis juste après, on fait un petit tour avec le Connor. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you. I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd turn away romance. Are you pretending? It looks like the ending

Arc-en-ciel.

présent dans la simple histoire, chantant nos cœurs et nos cerveaux. L'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouviaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleuri d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous espoir de paradis firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en les sillons plus larges et plus beaux. Le délai ne sont plus l'anathème, en gestes grotesques et faux, surtout ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde, héros couverts de lauriers, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. Chaque jour, dans le sentier des marguerites, arrête les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil, pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en les sillons plus larges et plus beaux. Semons nos blés, soignons nos souches, que leur nourricier du soleil remplisse pour toutes nos bouches les bibelots, le raisin vermeil. Les seules guerres nécessaires, faisons la guerre au capital, puisque son or soleil du mal ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en les sillons plus larges et plus beaux. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en les sillons plus larges et plus beaux. Voilà, donc on reste toujours avec les chansons françaises et puis juste après celle-ci, on a fait un petit tour du côté du rock. que tu me dis. Je n'ai pas envie de t'écouter. N'essaie pas de me faire changer d'avis. Perdu, tu m'as lassé à vouloir donner des conseils d'amis. Je ne peux plus te supporter. Non, je n'entends pas ce que tu me. Pas envie de t'écouter. Venir pour me pourrir la vie. Tu ne peux rien m'apporter. Toi qui te croyais. Toujours la même chanson.

che ternura che sempre sognai. Nossos olhos se cruzaram nesses olhos e assim ficamos nós os dois. Tu viste um caso, eu fiquei apaixonado, diferente sentimento foi. E agora andamos a ver quem consegue tê-la, loucos transformados em rivais. E por saber quem é essa amiga, eu peço uma vez mais. Amigo, não me roubes este amor. Tu sabes que eu quero tê-la e ficar com ela o tempo que for. Amigo, não me roubes este alguém. Para ti é só uma aventura, para mim é ternura que sempre sonha. Vidas se cruzaram nessa vida e assim ficamos tu e eu. Tu viste um beijo, eu vi mais do que um desejo, e frente amor em nós nasceu. E agora andamos a ver quem consegue tê-la, loucos com interesses desiguais. E por saber quem é essa amiga, eu peço uma vez mais. Amigo, não me roubes este amor. Tu sabes que eu quero tê-la e ficar com ela o tempo que for. Amigo, não me roubes este alguém. Para ti é só uma aventura, para mim é ternura que sempre sonha. Que sempre sonhei. Arc-en-ciel. Tout simplement cette chanson rock, pop rock, là. Pop rock, on va faire un petit tour du côté aussi de la chanson française. Donc on verra plus tard avec pop rock. Amer amour de bord de mer, tu aurais donné ton âme pour cet homme et ça t'étonne de sentir la brûlure sur ta peau salée, la fêlure de l'acétone sur ton cœur brisé. Amer amour de bord de mer, comment deviner que ce regard si doux, sa peau brûlante, enivrant, glace ta main, ton cœur, toi l'amante qui te languissait des heures. Amer amour de bord de mer, des caresses solaires,

Just drove by to

si tú eres para mí, también soy para ti. Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, yo soy para ti. Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea. Tú sabes que me gusta, sabes que me encantas. Bailalo lento, que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa. Hagamos esta noche una.

Monde. Avant de continuer avec les chansons, voici donc la programmation pour ce soir ainsi pour demain mercredi. Donc à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe. Et puis juste après lui, un autre Christophe entre 21h et 23h. Demain sera mercredi, donc à partir de 9h midi avec Victor. Et puis en soirée entre 18h et 19h30 avec Violette. Et puis ainsi pour le jeudi matin, entre 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Hergé Miro. Voilà donc, eh bien, je vous laisse du côté de Flamenco. Llegamos, ella estaba ya escuchando, el ritmo está sonando en la playa del verano. Mira, mira, mira, chica, mira, mira, mira, chica linda, cuando bailan a mi flamenco, esta rumba ya mi son. Que no se para la fiesta, es que siga el compás, que la noche está caliente hasta por la madrugada. Vamos juntos a la fiesta y bailemos la rumbita. Mira, mira, y la chica, ay, mira, mira, mira, chica linda, cuando baila la del flamenco, esta rumba ya mi son. Mira, mira, chica, mira, mira, mira, chica linda, cuando bailará mi flamenco, esta rumba ya mi son. Mira, mira, mira, chica, americana, italiana, mexicana, africana, mira, mira, la gitana. Vamos juntos a la fiesta y bailemos la rumbita de la noche. Y al alba, las mujeres. Mira, mira esta chica, ay, mira, mira, mira chica linda, cuando bailan Je veux te garder près de moi dans l'accident, mes bras, danser autour. si près, si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence on s'invente des vies qui s'opposent au cœur de la nuit, un jour, au cœur de ma vie, l'amour, atome ultime dans un ultimatum, voilà l'homme. Je vous laisse avec deux morceaux portugais. Beija, beija o céu da minha boca. beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija. Pega, pega, você me deseja. Pega, pega, beija, beija. Eu fico louco e você me deseja. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Voici le blues et juste après le compris. Cause you're doing me wrong. Can't be my Mr. Right. Oh, you're doing me wrong. No, you can't be my Mr. Right. Well, you're doing me wrong. Stayed away too long. Can't come home late at night. You done stayed away too long. And you can't be my Mr. Right. All you doing me is wrong. Can't be my sugar daddy, no. Can't stand up on your own. Can't be my sugar, sugar, sugar daddy. No, you don't stand up on your own. Taking it easy while you're working me to the bone. Can't whisper sweet nothings. I wanna hear a love song. And you can't be my lover. You don't know what turns me on. Can't be my Mr. Right. Cause all you do it is wrong. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Know that someday it's taken by Voilà donc, il est 16h53 minutes et on va terminer l'émission avec Springsteen. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé un moment avec l'émission, qu'on va se retrouver donc mardi prochain. On se retrouve aussi en fin de semaine vendredi et puis ainsi dimanche. Voilà. Et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Every room is perfectly in place, but I can see the sadness, baby, on your face. You had a plan and darling, like a child. As you dreamed it would be, but there's something wrong that you can't see. Room by room, you're looking for some little flaw, a crack somewhere in your glass wall. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Codéas Voyage vous propose un séjour à Lourdes en juin pour le week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 6 juin à 19h à J1, puis à 20h30 au Théâtre d'Orléans. Vous arriverez à Lourdes le samedi matin vers 8h. Pour le retour, il se fera le lundi 9 juin après le petit déjeuner. Vous arriverez aux alentours de 18h à Orléans, puis à J1 vers 19h. Le prix est de 270€. Tout inclus, sauf café et boissons. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64, le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Entreprise Olivade, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Penso, e em particular, o principal partido da oposição, a quem basta abster-se nesta moção. Eu respondo a tudo aquilo que quiserem que eu responda. Mas tem de ser na convicção de que definem o âmbito das perguntas, que definem o objeto e o método para a resposta e o prazo para a resposta. Eu estou disponível para isso. Não pode ser sempre na mesma lógica de que cada resposta à nova dúvida, em cima da nova resposta à nova dúvida, e não saímos desta espiral, levando o país connosco. E a minha obrigação é dizer assim: nós temos um país para defender e devemos defendê-lo mesmo antecipando os problemas. 16 horas no continente e Madeira, menos uma hora nos Açores. Debate da moção de confiança apresentada pelo governo. Acabou de usar da palavra Luís Montenegro, pela terceira ou quarta vez já esta tarde, a desafiar o Partido Socialista a abster-se nesta moção de confiança e, com isso, permitir a viabilização desta moção e, ao mesmo tempo, a disponibilizar-se para responder a todas as dúvidas do Partido Socialista, desde que sejam balizadas essas dúvidas no tempo e no modo. E agora Pedro Nuno Santos a usar da palavra, ele também. E a Câmara também desce condições para ouvir, faz favor. Pedro Nuno Santos a preparar-se para falar, mas à espera que se acalme o ruído. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro está zangado e eu compreendo isso, mas só se pode queixar de si próprio. Esta crise é da exclusiva responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. Os aplausos são do PS. O Partido Socialista deu, desde o dia 10 de março de 2024, todas as condições para que pudesse governar. Nós chumbamos a moção de rejeição do seu programa de governo, viabilizamos a eleição do seu Presidente.